La police me cherche parce que je suis un madman. Bougez ta copine, pas besoin d'un madman. Parce que je suis un madman. Parce que je suis un madman, madman, madman. La police me cherche parce que je suis un Batman. Pour gérer ta copine, pas besoin d'un Batman. Dans le VIP, toutes les babies bougent leur bunda. Ma chérie, éloigne-toi, c'est pas un bon gars. La police me cherche parce que je suis un Batman. Pour gérer ta copine, pas besoin d'un Batman. Dans le VIP, toutes les babies bougent leur bunda. Ma chérie, éloigne-toi, c'est pas un bon gars. Madame veut goûter mon goût butin dans la soirée. Mais dans la soirée, y'a des comés à éviter. On n'est pas comme les autres pubs, mon cas salivé. Mais son gros bonda me donne souvent des sages. J'crois un bonda qui traîne la nuit, qui va finir chez moi si c'est une chabine. La police me cherche parce que je suis un Batman. Pour gérer ta copine, pas besoin d'un Batman. Dans le zip, toutes les babies bougent leur bonda. Ma chérie, éloigne-toi, c'est pas un bon gars. La police me cherche parce que je suis un Batman. Pour gérer ta copine, pas besoin d'un Batman. Dans le zip, toutes les babies bougent leur bonda. Ma chérie, éloigne-toi, c'est pas un bon gars. Ta pétasse adore mon jus d'ananas. Je prends toutes vos meufs, je prends vos nanas. Elle a des super pouvoirs comme une super nana. À distance, elle fait bouger mon bangala. Elle fait la fille sage, mais c'est une fille sale. Dans ma chambre, elle a oublié son string ficelle. La police me cherche parce que je suis un Batman. Pour gérer ta copine, pas besoin d'un Batman. Dans le zip, toutes les babies bougent leur bonda. Ma chérie, éloigne-toi, c'est pas un bon gars. La police me cherche parce que je suis un Batman. Pour gérer ta copine, pas besoin d'un Batman. Dans le zip, toutes les babies bougent leur bonda. Ma chérie, éloigne-toi, c'est pas un bon gars. Thank you.